Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue chez Papa Cassette, épisode 84. On est le jeudi 7 octobre. C'est la fête de mon ami d'enfance, Pierre Lafontaine. Quel homme que ce Pierre. Moi, j'ai pas eu beaucoup d'amis comme, tu sais, des amis de long terme quand j'étais petit. Tu sais, oui, je joue au hockey avec un petit voisin, mais tu sais, des vrais amis avec qui j'ai connecté comme pour toujours, donc jusqu'à aujourd'hui. J'en ai eu au secondaire, genre 2-3, et puis ça m'a sauvé. Et puis Pierre en est un, donc on était à la polyvalente de Saint-Joseph de Beauce, on était des yo, c'est le même qu'on nous appelait parce qu'on faisait du skate, on avait des baggy pants, on écoutait du punk, du rap, dans un univers de métalleux puis de fermiers. Et puis, on était bien bizarre. Alors, tout le monde nous bâchait dessus et tout. Puis nous autres, on était comme juste un petit noyau qui se tenait et qui voulait juste comme faire nos affaires tranquilles. Alors, Pierre est issu de cela. Pierre, qui est issu aussi d'un milieu pas si riche quand même quand on était jeune. Mais on était tout le temps chez eux pareil parce que c'était tellement le fun. Et puis, peu importe, c'est comme, on s'en calisse de ça. Puis, il a tellement travaillé fort dans la vie, tu sais. Il était beaucoup d'enfants chez eux et tout ça. Puis aujourd'hui, il est devenu comme number one dans les... il travaille en finance, bref, il se débrouille bien dans la vie. Alors moi j'admire ça. Très heureux pour mon ami Pierre, qui a exactement le même âge que moi, hein, d'ailleurs. Ben, il vient d'avoir 42. Et puis moi, je vais avoir 42 à Noël. Donc, on se suit. Donc, un ami d'enfance. C'est le fun d'en avoir encore à 40, au-dessus de 40 ans plus tard. Ben, au-dessus de 30 ans plus tard, disons. Fait que voilà. Alors, dernièrement, j'étais au Festipod avec les copains de Rétro Nouveau. On était invités à faire, à être là dimanche pour faire le Festipod et comme un festival de podcast. Dans le fond, le terme vient de là. Et puis, c'était au pub L'Adversaire ici à Montréal, dans Schlaga. Pub ludique, L'Adversaire. Bravo d'être encore vivant, vous aussi. Et puis, c'est ça, c'est organisé par Fanny Grégoire du podcast La vie secrète des Geekettes et conjointe de Fred. Donc, Retro MTL finançait l'événement, ben commanditait l'événement. Et puis, nous, on était prêts. Ça durait toute la fin de semaine. Et puis, nous, on était présents dimanche après-midi. Voilà, donc c'était un show de 45 minutes. C'est le temps qu'on avait. Et puis, on a décidé de faire un top 10. Des jeux à jouer avant de mourir. Donc chacun 3 jeux parce qu'on a fait un top 10, mais en fait on a fait un top 9 parce que le 10e jeu sera présenté au prochain épisode de Rétro Nouveau, qui sera pas la semaine prochaine, mais l'autre d'après. Je crois, on est en train de discuter de ça, puis on a de la misère avec les disponibilités des gars la semaine prochaine. Cependant, ce qu'on a fait au Festipod est enregistré, puis on va l'avoir, fait que ça pourra compter comme un épisode quand même un peu plus court. Mais quand même du matériel de rétro nouveau. Alors, merci au Festipod et à tous les gens derrière. C'est beaucoup de travail, puis moi, je salue ça parce que je sais ce que c'est d'essayer d'organiser des trucs, et puis j'ai comme plus la force d'organiser des événements comme ça, puis t'sais, j'en ai fait en masse là, dans le temps, puis bravo. Ça t'es pas payé, ou peu, ou pas, et puis ça demande toute ta fin de semaine. C'est stressant, les contacts, les argents, les si, appeler tout le monde. T'sais, c'est beaucoup de travail pour. C'est vraiment comme pour la passion là, qu'on fait ça, là, vraiment pour le plaisir. Alors, c'est bien qu'il y ait du monde qui le fasse encore. Et puis, bravo Fanny, bravo à Chuck, bravo aux organisateurs. C'était très bien fait. Là, je bois beaucoup de café. Quand il y a des silences, c'est parce que je bois beaucoup de café. Je me suis levé un matin, mal de tête, je comprends pas pourquoi. J'ai comme... je sais pas, je me suis levé avec un mal de tête. Et pourtant, j'ai dormi à tonnes là, hier, là, plein de dormages. Là, puis non, ça marche pas. Fait que je vais essayer de voir. Mais c'est ça, j'ai comme pris une décision, pas une décision, mais tu sais, j'ai réfléchi un peu. Puis c'est bizarre un peu ma vie. J'ai bu pas mal de bière jeudi passé pour le plaisir là, avec les chummés au parc. Et puis le lendemain, j'étais scrap ben raide. Puis, on dirait que je suis fatigué d'être scrap. Tu comprends? Je me saoule pas à vomir, tu sais, quand je fais le party. Mais mettons, tu sais, j'ai pas vraiment de retenue, tu sais, je peux boire 8 pintes, moi, puis fuck it, là, tu sais, quand je vais au bar, puis tout ça. Puis je suis comme fatigué de ça, puis on dirait que ça me rend pas productif. Ça, oui, t'es scrap le lendemain, puis tu fais rien cette journée-là, fait que c'est une journée de perdu. Mais t'essayes de faire des affaires, mais puis tu sais, t'es comme, t'es dépressif, puis ça aide pas l'anxiété non plus. Puis c'est les effets secondaires de l'alcool, bien sûr. Et puis, je suis pas un alcoolique, là, loin de là. Tu sais, comme moi, je prends une bière le jeudi soir, je prends une petite bière vendredi soir, puis des fois une petite bière le samedi soir. Puis c'est ça. Ben, des fois, il y a des soirs ou autre chose, rétro nouveau, prendre une petite bière de plus ce soir-là, mais je sais pas, 4, 8, là. Par contre, quand je fais de quoi, mettons, le jeudi, je sors avec les chums, tu sais, là, j'en bois beaucoup, là, tu sais. Fait que là, je veux essayer de contrôler ça, je pense. Je regarde, j'ai des gens dans mes que je vois passer leurs posts dans Facebook. C'est pas des amis personnels, mais des gens que j'ai genre 500 amis Facebook. D'ailleurs, je fais le ménage de ça. Aussi, si vous me faites des demandes d'amis personnels, soyez pas fâchés si je les accepte pas. Justement, tu sais, j'en ai ben trop, puis je vais essayer de baisser 500. C'est pas tant que ça, là. J'en ai pas 500, j'en ai pas autant que ça, c'est ça que je veux dire, mais j'en ai quand même beaucoup. Et puis là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires, il y a de la famille, il y a des anciens collègues, il y a des anciens gens avec qui j'étais allé à l'école, des anciens... beaucoup de gens aussi que j'ai comme ajouté comme contact, des gens du monde de la bière, des gens du monde de la musique, des affaires comme ça, des personnes clés un peu que juste comme... Ouais, on connectait avec sur Facebook, il va voir mes affaires, je vais voir ses affaires, peut-être un moment donné, on va se parler. Fait que c'est ça. Et puis, où est-ce que je peux en venir avec ça? Hein? Fait que bref, soyez pas fâchés si je vous accepte pas. Ma page Papa Cassette est là pour ça. Hey, check ça, les cernes, man. Là, j'ai enlevé mes lunettes, là, ceux qui écoutent en audio. Là. Moi, je suis cerné, c'est que ça me fait capoter. Là. C'est comme des ballons en dessous des yeux. Là. J'aimerais ça pas avoir ça. Tu sais, j'ai pas de complexe vraiment sur mon corps. J'aimerais ça être un peu plus grand. Mais ces genres de cernes-là, man, ça me tue. Ça me vieillit, là. J'ai l'air magané. Ça, c'est un complexe que j'ai. Donc, où est-ce que je voulais en venir? Pourquoi je disais que j'avais... je parlais d'amis Facebook. Je m'en rappelle plus. Mais c'est ça. Je veux comme slacker. Puis, c'est ça que je disais. Fait que je vois des pauses passer des gens qui ont arrêté l'alcool complètement. Du genre, depuis un an, je bois plus. Depuis deux ans, je bois plus. Puis c'est pas des alcooliques, là. C'est juste du monde qui ont décidé d'arrêter de boire. T'sais. That's it. Faire le test, tu sais. Puis ces gens-là, ils disent à quel point ça a changé leur vie, puis ils sont tellement heureux, puis tout ça. Puis c'est pas des influenceuses, là, puis des affaires, là. C'est genre du monde bien straight, là, qui ont juste arrêté de boire. Puis, je me dis, Chris, ça changerait probablement ma vie aussi. Là, j'ai déjà coupé le café de moitié dans ma vie, fait que ça peut pas nuire. L'alcool, c'est ça, j'en bois pas tant, mais tu sais, comme je me dis, peut-être que je devrais arrêter ça. Mais c'est pas facile parce que, tu sais, bien sûr, j'ai un bar. Et puis, moi, je pense que j'ai jamais passé une semaine sans prendre d'alcool depuis que j'ai 16 ans, tu sais. C'est comme ça, là, tu sais. Pas des souleries tout le temps, mais tu sais, mettons une bière, tu sais. À part si j'ai des antibiotiques, mais j'en ai jamais parce que je suis jamais malade. Peut-être que c'est l'alcool qui m'empêche d'être malade. mais c'est ça. Puis là, je me dis, mais ça a pas d'allure, ça, tu sais. C'est fou. Faut essayer ça, tu sais. Fait que, en tout cas, je sais pas. J'y pense ces temps-ci. Je veux définitivement au moins essayer d'ajuster ça. Puis là, c'est le week-end gaming, le WEG qui arrive, puis là, ça va durer 3 jours. Puis tu sais, habituellement, c'est tout le temps, yeah, gros party sale le vendredi, on se défonce tout le monde le samedi, on est scrap, on continue à boire pareil, puis dimanche, on revient à la maison. Puis là, je me dis, pourquoi se défoncer tant que ça? Hein? Je vais comme probablement essayer d'amener des affaires sans alcool. Avec alcool, à taux, genre des sessions IPA, peut-être des affaires basses en alcool, des affaires de même, tu sais. Puis je vais essayer de combattre ça, puis de genre être... pas complètement scrap pour les autres jours, tu sais, et probablement être plus heureux, puis on a-tu besoin d'être autant scrap que ça? Mais je crois, l'ivresse, tu sais, ça fait du bien quand même, ça permet de... Moi, je pense tout le temps, puis ma tête, tu sais, comme je réfléchis, je me couche, je pense, puis quand l'ivresse empêche, tu sais, comme pff, tu t'en crisses, t'es smooth, puis ça fait du bien, ça, tu sais. J'ai besoin de ça aussi. Alors, il faudrait que je trouve une façon de me mettre dans cet état-là sans prendre de substance. Je sais pas si c'est possible, parce que tout le monde prend des substances. Tout le monde boit, ou tout le monde consomme du cannabis sous une forme ou une autre, ou autre drogue, ou du café. Tu sais, je parlais de ça avec un de mes amis. Pourquoi les humains, nous, y a-t-il un humain, tu sais, qui est pas comme sous substance? Jamais, tu sais. Là, le sucre, on n'embarquera pas le sucre là-dedans parce qu'à un moment donné, ça finit plus, là. Mais le sucre aussi, c'est une mauvaise chose. Mais il y a tout le temps des substances, là, anyway. Mais tu sais, comme cigarette, café, alcool, cannabis, tu sais, c'est toutes des affaires du quotidien, ça. Mais tout le monde est là-dessus, tu sais. Y a-tu des gens qui sont zéro là-dessus, puis qui sont comme pas des cinglés, là, qui font juste du sport, tu sais. En tout cas. Hey, je veux pas m'égarer avec ça. C'est une affaire à laquelle je pense, donc voilà. Donc, à soir, c'est jeudi. Normalement, on se prendrait une petite bière. Écoute, à TV avec ma blonde, mais là, je le ferai pas. Puis, ça sera même pas dur. Puis, demain, quand je vais me lever, je vais comme, yeah, frais dispo pour une belle journée à vendre des cassettes. Et on va en vendre bien plus maintenant que... C'est un beau segue, ça. On a, vous avez vu l'annonce, on a engagé notre amie qui s'appelle Martine Bisson en tant que directrice générale d'entreprise. Alors ça, c'est un très gros step pour Retro NTL parce que nous, on a commencé ça. Joe et Fred ont commencé ça ensemble, tu sais, pour le fun, là, il y a, je sais pas, moi, 5 ans, là, tu sais, puis ils faisaient de la vente, là, ils faisaient courroyer les jeux, ils achetaient, excusez, ils revendaient pour leur plaisir et puis pour leur collection. Et puis, ça générait des petits revenus. Et ces revenus-là, ben, bâti une petite vente en ligne, une petite affaire, tu sais. Puis, moi, je suis leur ami. Là, fait que, quand on prenait une bière, je voyais ça. Je suis comme, Chris, les gars, ça va bien, vos affaires? Puis là, il me dit, ben oui, on vend pour tant par mois. Je suis comme, oh, ouais, wow, tu sais. Dans ce temps-là, tu sais, juste à... C'était beaucoup, ben, beaucoup. Je veux dire, c'était impressionnant de voir leur système pour une entreprise aussi... petite ou primitive, ou qui n'était pas vraiment une entreprise. Ça s'appelait Retro Love dans le temps. Puis moi, c'est ça qui m'a attiré, parce que tout le monde en fait de la revente, là. Tout le monde. Mais eux, ils étaient comme organisés. T'sais. Puis là, je me disais, waouh, si je veux retourner vers la vente de jeux, je ne veux pas le faire tout seul, là, parce que je vais me tuer. Puis je l'avais déjà fait. Et puis, eux autres, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Fait que j'ai embarqué avec eux autres, puis tout ça est développé, est devenu ce que c'est aujourd'hui. Mais c'est ça. Puis ça a duré. Puis là, tu sais, comme, on faisait la vente en ligne, c'était dans mon sous-sol, c'était chez Fred, c'était chez Joe. Ouvre le magasin, ça continue. Engage un employé tout de suite. Engage un autre employé. Engage, si, engage ça. Rajoute du stock, rachète. Engage un bureau de comptabilité. Puis tu sais, ça grossit tout le temps. Puis là, on est rendu à 10, 12 employés. Je sais plus, on a deux locaux, tu sais, puis on a 1000 affaires. Fait que tu sais, nous autres, on bâtit cette entreprise-là. On empile des blocs, tu sais, comme. On fait juste empiler des blocs, puis là, ça garde, wouh, on a une grosse tour de blocs, tu sais. Mais là, on est comme, ouais, elle pourrait être un peu plus drette, notre tour, tu sais. Puis, à un moment donné, nous, en tant que propriétaires, on est très impliqués dans toutes les facettes de l'entreprise, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que tu achètes, faut que tu engages des employés pour eux font ci, eux font ça, pour que nous autres, on se dégage, tu sais. Mais t'es jamais vraiment dégagé non plus. Donc c'est un défi vraiment. Puis Fred fait partie de l'entreprise, bien sûr, mais Fred, il est comme bien, vous le savez, il travaille chez Tribute à temps plein. Donc il a vraiment pas beaucoup de temps à donner pour l'entreprise. Et puis là, avec son bébé puis tout, il est en train de mourir, tu sais, donc c'est pire que pire. Donc Fred s'occupe surtout de tout ce qui est marketing, site web et puis les affaires d'ordinateur. Alors voilà, ce qu'on travaille à faire, c'est de lui enlever ça pour que le dégager complètement. Ça va venir. Et puis sinon, moi et Joe, on est ici puis on besogne là, dans la quotidienneté de cette entreprise-là depuis 2 ans, là, depuis que ça l'a ouvert. Fait que c'est ça. Vu qu'il faut qu'on besogne puis qu'on gère de la poutine, on n'a pas vraiment le temps de toucher à plein d'autres dossiers et pas nécessairement les skills non plus. Tu sais, nous autres, on prend les jeux, on achète des jeux... On les nettoie, on les revend, tu sais. Puis on y va, bon... Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Wii U, passer le Wii U. Ah, GameCube, c'est toujours bon, mettre GameCube. Tu sais, on fait juste comme... On fait comme on a toujours fait, en fait. Mais c'est juste à plus grande échelle, tu sais. Puis on n'a pas plus de temps que ça pour réfléchir à tout défaire ça, tu sais. Puis les employés aussi, c'est pas rien, là. C'est beaucoup de travail, tu sais, parce que... On n'a pas tant le temps que ça, s'asseoir avec eux, tu sais, puis de prendre le temps, t'es-tu correct? ton travail, comment tu vois ça, des meetings, on n'en fait jamais, lui là-bas, moi je te cite. Donc, il y a plein de facettes de l'entreprise qu'on n'a pas le temps de toucher et qu'on n'a pas nécessairement non plus les compétences pour gérer. T'sais. Fait que on a procédé à l'embauche de Martine qui devient notre boss. T'sais, on s'est engagé une boss, si on peut dire. Et puis, Martine, elle a, comme c'était mentionné dans le post, au-dessus de 15 ans d'expérience en retail. Donc, puis elle a géré des employés en masse. Elle a géré des ventes, des stocks, de la comptabilité. Donc, tout ce bagage-là, elle va venir le mettre ici. Et puis, c'était ça l'objectif. Donc, elle avait envie de changer des grandes entreprises pour venir en PME. Et puis, Martine est gameuse, bien sûr. Elle adore jouer les jeux. Elle collectionne un peu aussi. On la connaît depuis longtemps. Je pense qu'elle nous a connus via Rétro Nouveau, dans le fond, depuis 2011. Je ne sais pas si elle nous écoute depuis le début. Puis, c'est comme ça. Quand j'ai commencé à faire des soirées de jeux au Funzo, des affaires là, ou sur Frontenac, tu sais, à un moment donné, elle est venue avec son conjoint. On le salue. Je sais pas si j'ai le droit de dire son nom. Martine aime ça quand on parle pas trop de sa vie. Alors, son très cool conjoint. Et puis, sont devenus des amis de la gang depuis ce temps-là. Alors, ils viennent d'un party, des chummés à l'arcade et tout. Donc, elle est une amie de la gang, tu sais. Mais c'est ça, c'est comme... C'est quand même une grosse carrière qu'elle a. Puis ici, c'est un petit business, tu sais, mais tout est à faire ici. Puis je pense que c'est ça qui l'attirait aussi. Quand tu es dans une grande entreprise, tu t'occupes de gérer ton chunk de la grande entreprise, mais tu sens pas toujours les effets de ce que tu fais, de ce que tu accomplis. Et puis, tu n'as pas à toucher à tous les aspects non plus, tu sais. Donc, tu t'occupes de tes affaires dans une grosse affaire. Ici, c'est un peu l'inverse. Tu rentres, puis il faut éteindre des feux. Ben, des feux, tu sais. Il n'y a pas des feux, mais il y a comme, wow, OK, il y a bien des affaires là, qui sont laissées aller. Il y a bien des affaires qu'il faut revoir. Il y a bien des techniques qu'on peut peut-être améliorer. Tu sais, comme tout est à faire ici, tu sais. Puis, moi, j'ai pas... je suis zéro, tu sais, comment dire... Engager une directrice générale de ce calibre-là, c'est quand même un investissement important au sein d'une entreprise de notre grosseur. Et puis, c'est comme un très gros step. Et puis, tu sais, nous autres, on pourrait se dire, ben là, moi, je vais le faire, là, je vais prendre ça, ce salaire-là, on va le faire, tu sais. Mais non, je peux pas le faire. On n'a pas ces capacités-là. Faut que tu engages quelqu'un qui est capable de le faire. Ça fait juste 3 jours qu'elle est ici, puis je la vois aller dans l'entreprise. Je suis comme, wow, tu sais, c'est comme ça donne un second souffle, vraiment. Puis moi, j'y crois, j'ai vraiment hâte de voir les développements de tout ça, mais déjà, je sens comme une nouvelle... Il y a de quoi qui se passe déjà, puis ça m'excite beaucoup. Alors, ça, c'était une nouvelle que je laissais flotter un peu dans dans mes précédents épisodes. Et puis, voilà. Donc, elle est arrivée depuis lundi. Je suis très heureux. Et puis, on reprend d'autres dossiers en main immédiatement qu'il fallait faire un suivi. Fait qu'on va voir à ça. Mais... puis d'autres affaires aussi, mais voilà. Donc, c'était la grosse nouvelle, et puis on est vraiment content. Puis, je pense que ça va changer beaucoup de choses ici. Alors, très, très, très heureux de cela. J'ai déjà presque fini mon café. Ça va peut-être réussir à effacer un petit peu mon mal de tête. Excusez. Il est arrivé de quoi de bizarre dernièrement? Quelqu'un qui suit mes projets, I guess, m'a écrit personnellement. Et puis, il savait qui que j'étais. Puis, il m'a envoyé une image de moi qui provenait d'une page qui dénonce les complotistes. Il y a ce qui se passe, OK? C'est compliqué. C'est qu'il y a un complotiste, quelqu'un, qui m'écoute probablement présentement d'ailleurs, et puis qui a pris, il n'aimera pas ça que je l'appelle complotiste, je suis désolé, mais j'ai pas d'autres mots. Mais on va dire une personne qui a, vous comprenez, bon, cette personne-là s'est créée cette personne-là dont le nom et le profil est flou, a créé un autre profil dans la même veine que son profil personnel, tout aussi flou, et a pris des photos de moi. Une photo sur ma page Facebook dans laquelle j'avais mon rouleau là, puis que je roulais le plancher de béton là, dans mon sous-sol. Et puis, il a pris ça sur ma page Facebook Papa Cassette. Et puis, il a créé un profil Facebook. Puis là, c'est drôle parce qu'il a mis comme job peintre en bâtiment. Fait que je vais pas... La page existe encore, je vais pas dire le nom. Mais c'est ça. Donc, cette personne-là a créé un faux profil. Puis avec ce faux profil-là, il allait sur toutes les pages de complotistes puis de patentes. Puis, tu sais, comme avec ma face, genre, il vomissait, tu sais, de la propagande là, anti-vaccin, anti-ci, anti-ça. Puis tout ça. Et puis, il faisait ça depuis un an et quelques, là, à ce que je comprends, là, parce que la photo de ma face a été updatée sur son profil là, en 2020, je sais pas quoi, là. Fait que au début, en printemps 2020, je pense. Fait que ce gars-là, avec ce faux nom-là, qui a fait un faux profil, il utilisait ma face pour faire ça. Puis, il y a une page qui dénonce les complotistes. Qui a reçu un message privé de ce faux profil-là, et puis que ce faux profil-là comme criait en caps, genre « Hey, déborde mon autre profil! Hein? » Fait que la page anticomplotiste a comme pris capture écran de ce messenger-là, puis eux sont allés chercher, puis je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait ça, dans ma page Papa Cassette, d'autres images, dont une où est-ce que je me creusais la tête de même, un autre où est-ce que j'ai mon gear dans la télévision, puis ils ont fait un montage Photoshop avec mes faces, puis tout ça. Puis ils ont publié ça sur leur page d'anticomplotistes. Puis là, le monde, ils sont comme « ce petit trou de cul, c'est ma face, tu sais, que je passe pour un complotiste. » C'est vraiment fucké. Puis il y a quelqu'un qui a vu ça, puis qui a écrit genre « Hey, ça, c'est Dominique Bourret, tu sais, c'est pas un gnagnagna, on utilise, hein? » Fait que là, il m'a écrit en privé « Hey, check ça! » Puis il y a une autre personne qui m'a écrit aussi, puis là, je suis comme « Wow! » Les gens ont beaucoup de temps à perdre de suivre les pages anticomplotistes. À tout le moins, j'ai écrit à cette page-là, j'ai dit « Regardez, cette personne-là que vous dénoncez, ce faux profil-là, utilise ma face, tu sais. » Fait que, fait qu'ils ont enlevé ça. Mais c'est ça. Donc, puis moi, j'ai essayé de report ce profil-là, et j'ai dit à mes amis « Reportez ce profil-là, s'il vous plaît, c'est un faux profil. » Puis Facebook voulait rien savoir. Fait que là, j'ai essayé de report les photos à la place. Et puis là, ça a marché ou je sais pas quoi, où les gens ont commencé à y écrire, tu sais, pour qu'ils enlèvent ça. Fait que bref, il a changé sa photo, finalement. Alors, merci d'avoir changé la photo. Si tu écoutes, mon cher, je connais ton nom, tes deux noms de profil. Puis mon but, c'est pas de partir en guerre ou quoi que ce soit, là, tu sais, mais c'est un peu whack de faire ça. Parce qu'on m'a déjà dit que je suis whack, alors j'aime ça utiliser cette expression-là. Mais check, prends des photos génériques, là. Hein, prends pas ma face, là, ni la face de personne. Je comprends pas pourquoi t'as fait ça. Là. Si t'as fait ça, c'est parce que tu m'haïs, parce que j'ai déjà dit des affaires anti-complotistes, puis t'es en crise que je t'appelle complotiste ou whatever. T'sais, je te connais pas, tu fais ce que tu veux, tu penses ce que tu veux. Je pense pas comme toi, très certainement. Alors, mais ça, tu vois, mettons moi, je vais pas sur les pages de gens qui pensent pas comme moi pour être en colère contre eux qui pensent pas comme moi, tu sais. Je sais que ces gens-là existent, puis je les laisse dans leur monde. Puis c'est tout, tu sais. Ça, c'est comme répondre aux gens sur les posts du premier ministre, quoi que ce soit, ou les posts de ci. Je vois du monde qui font ça. Hey, arrêtez de perdre votre temps, là. Pensez-vous que vous allez raisonner des gens dans la section commentaires des posts Facebook, là, tu sais? Clairement que là-dedans, il y a des... Peu importe, là, qu'on parle même pas de COVID, là. Il y a tout le temps du monde qui sont pas d'accord ou qui pensent autrement que toi. Moi, comme j'ai fini, là, de répondre à ça ou de m'insurger contre ça, là, même si le monde... Je considère que le monde m'est calice, ça n'a même pas d'allure ce qu'ils disent. Mais c'est fini, ça. Arrêtez de vous brûler avec ça, tu sais, comme... Reculer de ça, tu sais. Ça, c'est Facebook, tu sais. C'est les médias sociaux, c'est pas la vie, tu sais. Si ça existait pas, tu saurais pas que ton voisin, pis ci, pis ça, pis lui, il pense pas comme toi, mais tu y passerais ta tondeuse pareil, tu sais, pis tu prendrais une bière avec le soir, pis ça serait bien correct, sauf si vous mettez à parler de ça. Ou, tu vois, peut-être que tu serais capable de parler de ça avec lui, il a son point de vue, t'as le tien, pis ça serait un débat constructif. Ou est-ce que, tu sais, tu sais. Mais les médias sociaux, c'est pas ça que ça fait. Fait que, arrêtez de virer fou, puis de... Si moi, comme je dis des opinions, puis que ça te dérange, prends pas ma face, c'ti, pour me punir ou faire quoi que ce soit, tu sais, viens plus. Viens, écoute plus mes affaires, tu sais. Si je te fais chier, va-t'en. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas plus compliqué que ça, là. J'écoute pas des affaires de gens qui me font chier, moi, dans la vie, tu sais. J'ai pas besoin de me faire chier. J'irais pas comme forcer ça. C'est quoi l'affaire, tu sais? Alors, merci d'avoir décroché de ça. Tu dois sûrement m'écouter. J'ai déjà vu que t'as t'as ton profil original de base, ton profil de base dans mes affaires. Fait que voilà, tu sais, j'ai rien à voir avec toi. Peut-être t'aimes les jeux vidéo, c'est pour ça que t'écoutes mon podcast, en fait. Malheureusement, mon podcast est en train de devenir une place où est-ce que je parle très peu de jeux vidéo. Ou heureusement, parce que c'est ça que les gens aiment, je pense. Mais, puis je vais parler de jeux vidéo dans pas long. Mais c'est ça. Alors, s'il vous plaît, là, un effort, tu sais. Puis tu sais, à la limite, je m'en fous, là, ma face. Que j'ai de l'air, c'est pas comme si le monde va m'arrêter dans la rue, genre, hey, c'est toi là, le gars, tu sais, le profil, tu sais, comme, ça se perd dans un océan, whatever, c'est juste comme, pas le fun d'avoir sa face, tu sais, utilisée pour des affaires que t'as pas le contrôle de, tu sais, c'est juste ça, là. Alors voilà. Donc, drôle d'épopée. Parlant de malheur, vous avez vu, j'ai mis des photos des poubelles en arrière ici qui se font, qui s'étaient fait remplir, là, j'ai mis ça sur ma page Facebook. Donc, Joe, fidèle homme à tout faire et soldat de tous les moments, a setupé une façon de barrer nos poubelles. Mais alors, c'est fait, c'était réglé. La poubelle et le sac de recyclage. Il reste quand même à régler les roues qu'on s'est fait voler sur notre bac à recyclage. La ville nous a oubliés, apparemment. Mais c'est ça. Maintenant, les couvercles sont barrés. On s'est dit, problème réglé. Ben non, savez-vous ce qui se passe? Les hosties mettent le vidange dessus. Fait que là, on arrive le matin... Il y a comme un monticule de vidange sur les poubelles. Là, à cette heure, il faut que je débarre mes poubelles, puis que je prenne les vidanges avec mes mains, puis que je les mette dedans la poubelle, tu sais, ou que je les calisse à terre. Parce que. Il n'y a pas de limite, man, à l'imbécilité. Je te jure qu'il n'y a pas de limite à cette. Calisse, man. Puis c'est pas juste des sacs de crottes, là, tu sais, c'est des bouteilles d'eau, des affaires. À quel point ton papier et ta bouteille te brûlent les mains que t'es pas capable de l'amener jusque chez vous ou d'utiliser une poubelle publique, là, tu sais. Tabarnak, ça n'a pas d'allure, ça. Moi, j'en génère pas des vidanges quand je marche, là, tu sais. J'en génère pas. Si je veux manger une bâtarde, je la mange avant de partir. Chris. Aussi, il faut absolument que je boive, ma bouteille est vide, whatever. Je remets la bouteille dans mon sac ou je la tiens dans mes mains jusqu'à ce que j'arrive chez nous, ben au coin de la rue, il y a un bac à recyclage de la ville, je sais pas quoi. Mais on a un calvaire. Il y a pas de limite, man, aux hosties cabochons, laisse-moi te le dire. Ah, mets le feu dans ces poubelles-là, c'est ça qui va arriver. Hein? Ouais, ça fait déjà une demi-heure de spectacle, j'ai passé à travers tous les gros sujets. C'est fou. Je pensais que ça allait durer 2 heures. Mais c'est correct, j'ai commencé un peu plus tard ce matin. Alors, faut que ça roule. Alors maintenant, c'est le moment jeux vidéo. Et puis, vous avez... D'ailleurs, Metroid Prime Dread sort demain, vendredi. Et puis, j'ai bien hâte d'essayer ça, vendredi le 8 octobre. Et puis, je pense que ça va être excellent. Déjà, il y a une couple de critiques de sortie. Alors, oui, j'ai hâte d'essayer ça. Metroid 5, un beau Metroid 2D, là, tu sais, pour nous faire patienter pour le prochain Prime. Mais moi, Prime, je suis pas fan de ça. Alors, ça me convient parfaitement. Metroid Dread, merci beaucoup. Puis, moi, graphiquement, je trouve ça correct aussi. Je sais qu'il y a des gens qui aimaient pas, là, qui trouvaient que ça avait de l'air vide, puis tout. Mais non, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va être excellent. Donc, ouais. Ah, il y a aussi le jeu... attendez, je vais faire une petite recherche sur Internet. Voyons. Le Nickelodeon All-Star Brawl. Je prenais une marche sur la promenade de Saint-Hubert avec mes kids et puis on est rentré au EB Games. Et puis, d'ailleurs, j'ai vu qu'il existait Tempest 4000, je pense, pour le PS4. Drôle d'affaire, ça me prendrait peut-être ça. Puis ce jeu-là de Smash de Nickelodeon, c'est ça, c'est un clone de Smash là, carrément, mais ça a l'air bien fait. Puis on regardait le trailer qui passait dans TV là-bas, puis mes kids sont complètement fous. Avec ça, ils ont hâte d'essayer ça. Puis ils jouent même pas à Smash. Fait que tu sais ce qui va arriver, je vais l'acheter, ça va être ok, funny. Ils vont jouer genre une heure, puis ils vont s'en foutre. Fait que c'est sûr que ça va arriver. Mais c'est pas grave, parce que je vais avoir la copie physique, puis on va l'utiliser à l'arcade. Et puis on va faire un tournoi de ça. Je pense que ça va être pas pire, ce jeu-là. Tu sais, ça va être finalement un vrai bon clone, entre guillemets, de Smash. Puis il y a des personnages de tout Nickelodeon là-dedans, dont Potter Toast Man de Ren and Stimpy, le genre de super-héros avec une tête en toast. Est-ce que c'est malade, ça? J'espère qu'il y a Ren puis tout. Fait que sûrement qu'il annonce pas tous les personnages qu'il y a là-dedans, mais un Smash avec Ren, ça serait merveilleux. Donc ça s'en vient. Metroid aussi. Mais dans le dernier Nintendo Direct, bon là, je veux pas passer au travers de ça, là, il y a eu bien des annonces, bien des affaires, vous l'avez toutes vues, mais moi j'ai complètement capoté de voir qu'il y a un remake, si je peux dire, de ActRaiser, un jeu de Super NES que j'ai complètement... un grand classique, j'adore ce jeu-là, c'est un jeu ça, qui a du platforming, action platformer à l'épée, et aussi God Game, que tu te vois dessus... puis c'est une terre scrap, et puis toi, t'es un petit ange, puis tu te promènes, ton ange sert de curseur, entre guillemets, et puis avec ça, ben tu fais des miracles, comme le tonnerre pour péter des forêts, puis tout ça, puis le soleil pour assécher des swamps, ou faire fondre la neige, fait que t'as des miracles que tu peux performer, puis il y a un temple au centre de chaque continent, ben pour... le continent est séparé par région. Chaque région est comme une colonie à construire, si je peux dire. Ça commence avec ton temple en plein milieu, puis les humains, ils se développent autour de ça. Tu dégages la voie, t'enlèves les, puis tu te bats des monstres, et puis eux, ils construisent autour de ça, tu sais. Et puis, faut que tu descendes, faut que tu t'incarnes, Dieu incarné en guerrier avec une épée. Faut que tu descendes dans le monde des fois, deux fois par région pour... faire un niveau de platforming et tuer un méchant à la fin. Donc, l'original, c'est ça. Puis, la musique était faite par Yuzo Koshiro, puis c'était comme... la musique est absolument incroyable. La musique de ActRaiser, c'est une symphonie orchestrale. C'est un early release, ça, du Super NES. Et puis, c'est sorti assez au début. Puis, à ce moment-là, t'entendais ça, cette musique-là, t'en revenais pas que ça pouvait être aussi deep un jeu vidéo, tu sais. Alors, c'est un jeu parfait, là, vraiment. Peut-être qu'il peut avoir un peu de longueur dans la section God Mode, là, où est-ce que tu tues beaucoup de petites bibittes, puis tes humains font leurs affaires, tu sais. Mais ce qu'il y a de le fun, c'est que, mettons, dans le continent, c'est, bon, là, t'as fini une première région, tu vas à la région suivante, puis là, eux, ils découvrent le riz. Ils sont capables de faire... d'avoir des champs de riz. Puis quand t'as des champs de riz, ben ça nourrit plus, donc tu peux avoir plus d'humains. Fait que tu reviens dans tes régions précédentes, puis tu leur montres. Tu plantes le riz dans le champ en tant que dieu. Puis là, c'est comme ouh, on est capable de faire du riz. Puis là, il y en a qui découvrent les ponts, puis il y en a qui découvrent aussi la laine. Comme ça, tu peux utiliser la laine comme... ils te font des offrandes, tu sais, les humains, ils te donnent ça. C'est comme, ah, Dieu, on a découvert ça. Fait que là, tu utilises ces offrandes-là dans les autres régions pour aider la civilisation, tu sais. C'est vraiment un jeu magnifique où est-ce que, tu sais, c'est un peu la croyance envers Dieu. Tu sais, si Dieu, si le continent est pourri puis vide, c'est parce qu'il n'y a plus personne qui croit en Dieu. Et puis là, les gens, ils recommencent un peu à croire en Dieu, fait que tu réapparais, tu sais. Puis ton travail, c'est de les aider à se développer, puis à enlever les méchants. Puis plus que tu fais ça, plus qu'ils croient en toi, puis plus que tout ça grandit, tu sais. Donc c'est très beau. C'est sûr que c'est de la religion, entre guillemets, tu sais, mais c'est un peu plus que ça. C'est aussi Dieu, tu sais, en tant que Dieu, toi, les humains, ils ont des troubles, et puis il faut qu'ils s'organisent, puis tu les aides, tu sais, mais à distance, donc c'est comment est-ce que l'humanité peut s'autogérer, tu sais. Donc c'est super bien fait, c'est vraiment magnifique. Et puis, comment ça qu'ils ont décidé d'en faire un remake de ça, c'est absolument incroyable, tu sais. Il n'y a jamais eu d'annonce, il n'y a rien eu par rapport à ça, puis là, pouf! Ça sort, tu sais. Moi, j'en revenais pas, là, tu sais. Fait que, bien sûr, j'ai acheté ça tout de suite, à 40$ le soir même, puis j'y joue encore. Je l'ai terminé, puis quand tu le finis, ils ont ajouté un continent, donc là, je suis dedans, mais il est plus difficile. Donc, ce qu'il y a de nouveau, en fait, premièrement, commençons par le début, le jeu, il est pas bien beau. Il est malheureusement, genre, développé par une compagnie qui est dans un jeu de cellulaire, là, je pense. Fait que, visuellement, il est pas laid. Mais c'est pas au point, tu sais, c'est comme du, comment est-ce qu'il appelle ça, du pre-render, je sais pas quoi, là, tu sais, c'est cheap, là, ça fait téléphone, ça fait PSP, là, tu sais, c'est pas un problème, tu sais, c'est jouable, les backgrounds sont beaux, mais c'est vraiment pas à la dernière technologie, mettons, là, tu sais, c'est assez gainé, là, tu sais. Puis, par contre, la musique, Yuzo Koshiro lui-même, réarranger la musique. La musique d'original, Super NES est dedans. Ils ont rajouté, puis là, il a réédité cette musique-là. Puis, vu qu'il y a des nouveaux niveaux et des nouvelles affaires, il y a des, il y a de la musique supplémentaire. Puis, il a même pris le temps de refaire cette musique supplémentaire-là en version Super NES aussi. Comme ça, tu peux la changer en tout temps, tu sais. Alors, il a vraiment travaillé fort. Ça, c'est incroyable. Donc, la musique est top-notch, là, tu sais. C'est vraiment excellent. Fait que ce qui a changé dans le jeu au niveau du platforming, c'est, ben, il y a une attaque par en haut, et puis les magies, c'est un peu différent aussi de la façon que tu les utilises. Mais, tu sais, comme les niveaux sont bâtis pareil, puis tout est pas mal pareil, tu sais. Fait que je te dirais, moi, je joue à normal, je peux jouer à hard, je l'ai essayé à hard, et puis les hits font vraiment mal, là. Tu meurs vite. Puis à normal, tu meurs pas vraiment, tu sais. Je rentre dans le tas pas mal, je me heal un peu, je ramasse des pommes, me donner de la life, les boss, là, je les pète. Fait qu'il y a comme un débalancement entre hard puis normal. T'sais, il aurait fallu un entre-deux, puis comme, puis même pas easy puis very easy. Pis, easy, man, ça doit être tellement easy. Fait que moi, j'haïs ça, les jeux qui ont plusieurs niveaux comme ça. Là. Si t'es pas capable de trouver la bonne séquence, le bon noyau, là. Si dans ton jeu, t'as easy, very easy, medium, hard, very hard, Chris, c'est parce que t'es pas capable de trouver comment est-ce que ton jeu devrait être, là, t'sais, fait que tu mets tout. Ce jeu-là devrait être entre normal puis hard, t'sais, puis t'aurais eu un jeu parfait. Mais non, fait que là, je joue à medium parce que hard, c'est désagréable, fait que puis là, c'est comme trop facile, fait que, mais en même temps, je veux pas me faire chier, j'ai d'autres choses à faire. C'est un jeu qui est vraiment plus long que celui au Super NES, puis la raison aussi est que dans la version God Mode, quand tu vois dessus, ils ont rajouté beaucoup de stock, tu sais. Là, maintenant, il y a vraiment du tower defense. Normalement, il y a des petits ennemis qui flottent, qui sortent de des trous, puis t'es dessus avec ton petit ange, puis tes petites flèches, puis ça te donne de la magie, puis avec cette magie-là, ben, tu fais des miracles, et puis c'est très léger au Super NES, puis c'est bien correct de même. Mais là-dedans, ils ont rajouté des séquences où est-ce qu'il y a des invasions de bébites qui marchent sur la map, puis qui veulent aller détruire tes affaires. Fait que là, maintenant, faut que tu bâtisses des forteresses. Il y a des forteresses normales pour les piétons. Il y a des tours à flèches puis des tours à magie. Et puis, tu peux aussi upgrader ces affaires-là. Donc, il faut que tu les places sur la carte. Puis, une affaire intéressante aussi qu'ils ont ajouté, puis ça rajoute beaucoup d'histoire, chaque région a son « champion », entre guillemets. Donc, il y a un personnage, un humain, ben un personnage que tu découvres, qui apparaît comme ça. C'est les humains qui arrivent, ils... Ah, chose est apparue ce matin, tu sais, puis c'est qui ça? Puis là, ce personnage-là, il a toute une histoire, puis il aide un peu la communauté. Des fois, oui, des fois, non. Des fois, tu sais, il t'envoie chier un peu, tu sais, c'est voyons Dieu, toi, mange de la merde. Ou des fois, c'est... ils ont chacun leur personnalité, puis ils sont tous très différents. Comme le premier, c'est un genre de guerrier avec une grosse hache. Deuxième, de l'autre continent, c'est une petite magicienne. L'autre, c'est un espèce de dude, cowboy un peu avec un gun. Et puis, il y a aussi une femme samouraï, un genre de magicien. Et puis, c'est ça. Fait que quand il arrive une attaque de Tower Defense, ces personnages-là sont également utilisables pour attaquer. Donc, je sais pas, moi, mettons, il y a un gros amoncellement de bonhommes qui arrivent à pied dans un coin, des méchants. Ben, j'envoie mon guerrier au front tout de suite à essayer de tuer ces bonhommes-là. Pendant ce temps-là, moi, je peux faire des miracles aussi. Je peux envoyer le tonnerre sur d'autres ennemis. Il y a des ennemis aussi qui en feu, fait que je leur envoie de la pluie. Des ennemis flottants que je leur envoie le vent, fait que ça les tue. Fait que bref, les sections Tower Defense, les combats de Tower Defense, c'est un mélange de gestion, de positionnement de tes forts, et puis d'utilisation de tes personnages héros, et puis d'utilisation de tes miracles, tu sais. Puis pendant que tu fais tout ça, ben ta civilisation, ton champ, tes champs continuent à produire de la magie, du matériel pour des barrières, parce que tu peux mettre des barrières aussi, comme dans le Tower Defense. Tu peux mettre des cloches. Fait que là, les ennemis, ça émet comme un son. Puis ben on voit le son. Puis les ennemis qui volent, ils vont vers ça. Fait qu'au lieu qu'ils aillent tout de suite vers le temple et essayer de détruire le temple, ben ils vont comme détruire la tour à cloche. T'sais, c'est un leurre. Alors là, pendant qu'ils gossent tout ça, ben tu leur envoies l'éclair, tu sais. Fait qu'il y a de la stratégie là-dedans, quand même beaucoup. Et puis, de ces sections Tower Defense-là, il y en a peut-être trop par région à faire, vraiment. Puis, d'une région à l'autre, ça se répète, tu sais. C'est comme, bon, les humains arrivent. Bon, les humains, maintenant, ils veulent aller enlever un trou, qu'il y ait des bébites qui sortent. All right. Bon, le héros, là, il est piste. Bon, là, toi, il faut que tu descendes faire une petite boîte d'affaires. Bon, puis c'est tout le temps, là, ça se répète. Bon, le héros, finalement, c'est un vrai héros. Il avoue qu'il t'aime, Dieu. Puis c'est ça, tu sais. Fait que c'est ça vient répétitif un petit peu d'une région à l'autre. Puis ils ont tout le temps de quoi te dire, tu sais. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de scénarios, là, beaucoup de textes, tu sais. Puis ça, c'est une bonne chose parce que... Ça remplit bien l'histoire. Si tu veux prendre le temps de la lire, il y a vraiment une histoire là-dedans. Puis je l'ai lu. Au début, je lisais bien comme il faut. Vers la fin, je lisais un peu en diagonale. Mais tu sais, je me tenais au courant pareil de ce qui se passait. Donc, c'était bien fait. Mais quelque chose qui est très hot aussi, c'est que je vous disais qu'il y a un héros par région. Et puis, mettons que tu es rendu à la quatrième région, tu peux, en combat, rappeler les héros des régions précédentes. Donc, ça, c'est pratique. Fait que, mettons, j'étais en région 4, dans le désert, puis là, mon héros de cette section-là, c'est lui avec le gun. Bon, lui, avec le gun, il est capable de tirer de loin les ennemis volants, t'sais. Fait que ça, c'est pratique. Mais s'il y a beaucoup d'ennemis volants dans les sections Tower Defense de où est-ce que je suis rendu, ben j'ai juste à summoner la magicienne de la deuxième région, parce qu'elle aussi, elle peut attaquer à distance. T'sais. Par contre, s'il y a des grosses bébites à pied, ben là, je vais summon à la place le barbare avec sa hache, là, t'sais, qu'il est solide, puis il va bloquer le chemin de ces grosses bébites-là. Donc, je suis mort quand même. Tu passes pas à travers ces affaires de Tower Defense-là si facilement. Il y en a, là, j'en fais un, je suis rendu loin, j'en fais un, il est vraiment dur. Là. Mais sinon, ils sont pas déprimants à faire au sens que c'est impossible. Quand tu réussis pas, c'est parce que t'es comme « Ah, ok, tu déplaces tes forts un peu, et puis tu peux perdre la bataille s'ils détruisent ton temple, ou des fois, il y a d'autres affaires. Si ton héros meurt, ou s'il brûle tous les champs. » Fait que des fois, tu te rends compte que t'as un champ qui est pas protégé, ben tu mets une tour à côté, t'sais. Fait que t'as des petits ajustements comme ça à faire, puis ça semble déprimant. Puis moi, je suis pas nécessairement un grand fan de Tower Defense, même vraiment pas. Mais... ça, j'ai aimé ça, t'sais. Ça, c'est plaisant, c'est bien fait. C'est pas beau, mais c'est bien fait. Donc, tu t'amuses avec ça, t'sais. Ça rajoute énormément au jeu, ce qui fait que là, le jeu au Super NES, qui est un jeu de quand même quelques heures, ben là, je suis rendu au-dessus de 20 heures, puis j'ai pas terminé en faisant le nouveau continent, t'sais. Puis il y a des affaires que j'ai pas trouvées encore, comme le monde dans la première région me demande un compas pour être capable de naviguer, je sais pas y est où. Il n'y a personne dans les autres régions qui ont découvert un compas et qui me l'ont donné en offrande pour que je leur donne. Fait que je sais pas il est où. J'ai une tablette de pierre, il faut que je donne ça à quelqu'un quelque part. Je sais pas qui, je sais pas quoi. Donc il y a des petits mystères là que. Tu sais, tu peux. Même si une région est terminée, tu peux y retourner puis continuer de la faire travailler un peu. Il y a quelque chose de drôle là-dedans aussi, c'est que il y a trois étapes d'évolution de tes communautés. Au début, quand ils s'installent, ils se bâtissent des shacks, tu sais, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, ça évolue, la communauté évolue. Puis là, ils sont comme, oh, ben là, ils sont capables de se bâtir des plus gros cabanons. Ils sont capables de faire du riz dans les champs, justement. Fait que t'envoies le tonnerre pour tout décalisser puis tuer tout le monde de ce qu'ils ont fait venir jusqu'à date. Puis là, ils rebâtissent en plus fort. Puis là, vu que c'est plus fort, ben, ils sont capables d'avoir plus d'humains dans ta communauté. Fait que tu passes de 200 à 400 humains, tu sais. Puis là, il y a un troisième niveau à ça. Fait que tu redécalisses tout encore. Puis là, ils rebâtissent encore plus fort. Donc, c'est très drôle de juste tout détruire, tu sais, ce qu'ils ont fait. Au début, j'étais un peu gêné. Je suis comme, ah, je vais casser petit bout par petit bout. Hein, pauvre ma civilisation. Puis là, à la fin, t'es comme, t'es tellement habitué, puis c'est tellement répétitif. T'es comme, bon, on est rendu à l'étape où est-ce qu'il faut refaire la civilisation. Puis là, mon miracle d'éclair, t'as trois. Tous les miracles, t'as trois niveaux. Tu peux les faire comme petit, moyen et large diamètre. Fait que là, je fais juste comme tout anéantir mon continent d'un coup. Ça va bien plus vite. Puis ils le rebâtissent. Puis merci, bonjour. Là, t'sais. Fait que ça, je trouve ça quand même très drôle. Ils te parlent, t'sais, tu les aides. Puis là, t'envoies le tonnerre, tu casses tout. Très drôle. Donc, c'est pas le remake parfait, loin de là. Par contre, en tant que fan d'ActTracer, je suis satisfait, tu sais. It grows on you, encore une fois. C'est un jeu plaisant pour ça. Et puis, attendez qu'il vienne en spécial si vous voulez l'essayer. Tu sais, 40$, c'est beaucoup, là, vraiment. Tu sais, surtout si c'était sa coche visuellement, tu sais. Mais je trouve pas que ça vaut 40$, là. Vraiment pas. À moins que vous ayez vraiment joué tout de suite, vous êtes vraiment fan comme moi. T'sais, je veux dire, je regrette pas. Là. J'y joue, puis c'est fait. Puis je suis content de l'avoir essayé. Puis je vais le finir jusqu'au bout. excusez. Mais si vous voulez vous saucer, attendez que ça vienne en spécial. Si ça vient physique, je vais l'acheter pour la tablette, bien sûr, parce que c'est ActRaiser. Si vous avez jamais joué à ActRaiser au Super NES, je pense que c'est disponible sur le site, sur Nintendo Online, là, je sais pas quoi. Donc, ça vaudrait la peine. Il faut qu'en fait que vous essayiez ça. Grand, grand jeu. Donc, ça vient de nulle part, ce remake-là. C'est bien fait, il y a des bonnes idées. C'est un peu répétitif, puis c'est pas visuellement on point, mais l'effort est là, fait que c'est quand même bien. Je veux parler rapidement aussi, avant de terminer, de Steel Assault, qui est publié par Tribute Games. Donc, on fait souvent, les gens font souvent pas la différence entre un jeu développé par et publié par. Quand un jeu est développé par une compagnie, c'est eux qui font le jeu. Ceux qui publient le jeu, c'est eux qui s'occupent de la gestion de la mise en marché du jeu. Donc, tu sais, mettons au NES, là, tu vois des jeux, mettons Shatterhand au NES, tu sais. Là, c'est écrit Jaleco sur la boîte, mais c'est publié par Jaleco. Mais c'est Natsume qui a développé ce jeu-là, tu sais. Des fois, c'est la compagnie qui développe et qui publie son propre jeu, comme Shadow of the Ninja de Natsume, justement. Alors, il faut faire attention à ça, tu sais, parce que Steel Assault est développé par une compagnie, dont j'ai oublié le nom, et publié par Tribute. Donc, Tribute s'occupe que de la mise en marché et de conseiller le développeur, bien sûr, dans comment développer son jeu. Puis le prochain Turtles, il est développé par Tribute, mais il est publié par Dotemu. C'est pas fait par Dotemu, donc c'est très différent. Faut faire attention à ça. Puis moi, j'ai travaillé sur Steel Assault personnellement au niveau du graphisme. Donc j'ai fait les assets de Steam, de Nintendo Switch et puis ces affaires-là. Donc j'ai pris, quand vous téléchargez ce jeu-là, la pastille visuelle du jeu, c'est moi qui ai travaillé là-dessus, tiens. J'ai travaillé, c'est pas moi qui a fait l'illustration, bien sûr, tu sais, mais j'ai eu l'illustration originale, puis le tarot, le personnage séparé avec son fouet, le background ici, le background ça. Fait que moi, ma job, c'est de placer, mettons le format il est horizontal, ben c'est de la signature, bien sûr, c'est de placer ces éléments-là là-dedans, tu sais. Puis au départ, on m'a demandé aussi de faire des tests, tu sais. Fait que j'ai fait plein, un background de ciment pété avec tarot qui sort, tu sais. J'ai fait plein d'affaires. Finalement, ils sont pas mal revenus au visuel de base. Ils ont rajouté de la boucane en arrière. Boucane que j'aime plus ou moins. Mais, il a fallu que je deal avec la boucane. Mais bref, fait que c'est ça. Donc, moi, je voyais ça visuellement depuis un bout. Mais j'avais pas joué. Donc, c'est un jeu très frénétique. Hein? 2D action platformer avec ton bras, c'est un genre de fouette. Et puis ça, c'est plaisant. Et puis, il y a le comment est-ce qu'il l'appelle là-dedans? Le fix line? Le zip line. Donc, quand tu pèses sur un bouton, il y a un câble qui sort de toi puis qui part de chaque côté. Et puis qui peut servir de genre de câble. Mettons, t'as un mur en avant, en arrière de toi. Le câble, il va s'agripper au mur en avant, en arrière. Puis là, maintenant, tu peux te servir, tu peux t'accrocher à ce câble-là, tu sais. Ce câble-là, tu peux l'envoyer à la verticale, en diagonale ou à l'horizontale. Donc, ça rajoute beaucoup au platforming où est-ce que tu peux pitcher des câbles partout, tout le temps. Puis, tu sais, le jeu, il joue avec ça aussi. Il y a des sections verticales, donc là, tu pitches ton câble vertical, ben horizontal plutôt. Puis, c'est dur à expliquer, là. Mais vous irez voir du gameplay. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, c'est ça. Ça, c'est très original. C'est vraiment le fun. C'est frénétique, le jeu. C'est rapide. C'est de l'action. C'est beau. Le pixel art est parfait. T'sais. Fait que ce jeu-là, il est comme parfait. Moi, j'adore ça. Cependant, il est trop court. C'est la principale critique que tout Internet donne au jeu. Et puis, je pense que les gens chez Tribute essayaient aussi de faire comprendre le développeur, tu sais, c'est court. Mais il aurait fallu que ce jeu-là soit deux fois plus long. Puis encore une fois, moi, je trouve qu'il souffre un peu du facile hard. Là, moi, je vois, il y a easy, medium, hard et arcade. Fait que j'ai pas essayé easy, j'essaye tout le temps à medium ou normal, en fait. Fait que je joue à normal, ça a bien été. Mais quand, mettons, les niveaux sont séparés en trois segments, puis quand tu meurs, tu recommences au début d'un de ces segments-là, tu sais, des checkpoints, dans le fond. Fait que, puis ils sont assez rapprochés, puis tu as toujours des vies. Fait que c'est sûr que tôt ou tard, tu vas l'apprendre le segment dans lequel tu viens de mourir, puis tu vas le faire, puis merci, bonjour, tu sais. Fait que, pour... mais c'est comme trop facile, tu sais. C'est un jeu qui se finit en 45 minutes quand t'as un peu l'habitude de jouer à ce style de jeu-là. Donc, je pense, puis quand tu joues à Hard, t'as une vie pour faire tout le niveau. Donc là, il y a comme un débalancement où est-ce que je pense qu'il aurait dû mettre 3 vies par niveau. Tu gardes les 3 checkpoints, mais t'as 3 vies pour faire le niveau, tu sais. Donc comme ça, ça rajoute un petit peu un challenge sans être décourageant, tu sais. Puis le mode arcade, ben là, c'est une vie pour faire tout le jeu au complet. Fait que là, fuck that, tu sais, j'ai pas... Moi aussi, j'ai juste une vie, alors je vais pas la consacrer à apprendre des jeux par cœur parce que je suis trop occupé. Mais c'est ça. Donc c'est comme dommage, comme un peu débalancé à ce niveau-là, tu sais. Puis on aurait pu prendre plus d'affaires, tu sais, je sais pas moi, peut-être que son genre de fouette, tu sais, il y a un power-up là, puis qui apparaît pas trop souvent. Ça aurait peut-être été le fun qu'il y ait à la Mega Man, tu sais, des attaques que tu gagnes ou que ça whip autrement, tu sais. Tu sais, il y a beaucoup de potentiel là, c'est comme c'est excellent. Mais c'est juste comme le début, on dirait, de quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus vaste, beaucoup plus, tu sais, varié. Les boss, ils sont magnifiques, tu sais, mais il y en a qui sont comme trop faciles. Il y en a un qui fait tout l'écran, puis finalement, il est pas si pire que ça. Il utilise pas toute sa grosse armure, puis tout. Tu sais, c'est comme, il y a des petites bébites mouches, là, qui flottent un peu partout. Et puis, on dirait qu'ils ont utilisé ces bébites-là en abondance pour remplir un peu les niveaux d'ennemis, tu sais, alors que c'est des ennemis vraiment désagréables à tuer. Puis, fait que je trouve que ça ralentit un peu à cause de ça. Bref, c'est pas un jeu parfait. C'est un jeu parfait, en fait, mais juste pas assez, tu sais. Il y a plus que ça. C'est comme un... Comment dire? C'est comme si t'avais faim puis tu voulais aller chez Scores, mais tu vas dans un restaurant haut de gamme où est-ce que ton assiette, c'est juste une petite affaire dans le milieu, tu sais, mais très très bon, là, c'est comme, c'est de la grande nourriture, mais c'est ça, c'est, tu sais, toi t'as faim, là, t'en veux, là, tu vas aller au buffet, là, tu sais, le buffet de tout ça, mais c'est pas ça. Alors, voilà, excusez, mon téléphone vient de sonner en même temps, y a-t-il encore une panique? Non, je répondrai à ça plus tard. Donc voilà pour Steel Assault. Excellent jeu quand même, là. Essayez ça. Et puis, c'est pas cher, là. Moi, j'ai eu un code, mais je pense que le jeu il est à peu près 20$. Puis, bien sûr, s'il y a une version physique un jour, je vais le mettre sur ma tablette parce que c'est magnifique. Donc, cool jeu, mais un peu trop court, malheureusement. Donc voilà, ça conclut déjà le spectacle pour aujourd'hui. Je pense que je vais prendre une petite minute quand même pour annoncer les groupes. Parce que j'ai starté des groupes, puis je les utilise pas. J'en parle jamais. Excusez, là, c'est comme l'appel là, que je viens de recevoir qui m'a comme buggé. Fait que j'ai ouvert un groupe il y a pas si longtemps que ça qui s'appelle Finir des cassettes. C'est un groupe dans lequel tu publies des images des jeux que tu as terminés, et puis on fait ça pour le fun. C'est pas obligé que ça soit un jeu en cassette. Ça peut être un jeu à disque, ça peut être un jeu sur Steam, ça peut être un whatever. Du moment que tu termines un jeu vidéo puis que tu as envie de te vanter de ça ou de montrer tes prouesses ou que ça te tente, tu sais. Fait que tu publies ça là, puis voilà, mets tes photos. Puis on s'amuse avec ça parce qu'on est une gang, je pense, qui aime le challenge d'essayer de finir des jeux. Donc quand on réussit, ben on met ça là-dedans, on s'en parle, ça nous fait découvrir des jeux aussi, tu sais. Il y a vraiment tout le monde, moi je suis très, vous me connaissez, là, mon style de jeu, mais... Tu sais, il y a des gens qui sont vraiment des grands jeux à déploiement. Ghost of Tsushima, God of War, je sais pas quoi. Donc, tout le monde joue à de tout là-dedans, puis c'est très bien. Donc, Finir des cassettes. Le Club Vidéo Blond, qui est un groupe où est consacré aux photos, aux jeux et vidéos et bières, tu sais. Fait que t'aimes ça prendre une bière, t'aimes ça gamer, prends une photo de ton jeu, ta bière, fais-nous découvrir un jeu, fais-nous découvrir une bière, et puis pitch ça là-dedans, et puis ça va être bien parfait. Excusez... voilà. Va falloir que je décroche bientôt. Et puis, c'est ça. Je suis moins allé dernièrement parce que je bois moins de bière, voyez-vous. Donc, c'est ça. Autre petit groupe complètement à l'abandon qui s'appelle Atari Vision, que j'ai fait il y a des années. Si vous êtes amateur d'Atari, Coleco ou Intellivision, joignez le groupe Atari Vision. Là où est-ce qu'on publie des nouvelles puis des affaires par rapport à vos acquisitions, n'importe quelle chose qui vous intéresse dans ces machines-là. Là, j'étais un peu coupable de. Je suis 100% coupable de ne pas m'en occuper, bien sûr. Parce que je viens de recevoir des beaux jeux Atari, comme vous avez vu sur ma page Facebook, des jeux de sexe. J'ai même pas publié sa page Atari Vision. Mais ça existe. J'ai-tu d'autres choses? Non, c'est correct aussi, hein. Les groupes. J'essaye de pas de baisser aussi mon niveau de consommation de médias sociaux puis de mettre ma tête ailleurs, fait que c'est normal que je sois un peu moins là. Malgré tout, si ces topics-là vous intéressent, allez-y. Donc, voilà. Merci à tous, chers amis, d'avoir été présents pour ce 84e épisode. Incroyable. On va pogner le 100 bientôt. Et puis, allez en paix. Merci à tous. Soyez zen, tu sais. Comme, allez, si vous êtes en colère, mettez-vous pas plus en colère en allant voir des affaires qui vous mettent en colère, tu sais. Comme, quittez, éloignez-vous de la colère. Devenez, zénifiez-vous, vraiment. Et puis, ça va vous aider. Vous n'allez pas avoir ça, la colère dans la tête, inutile toute la journée pour rien. Vous allez faire autre chose. Vous allez être plus léger avec vos proches, avec vos amis. Puis vous allez avoir envie de faire autre chose dans la vie que d'être, t'sais. Alors, voyons, soyez zen, calmez-vous. On va tous s'en sortir. Puis, je sais que c'est ça fait chier la COVID, les masques, et ça. Je suis une personne qui en a subi quand même pas mal les contre-coups. Et puis que ça m'a fait bien du tort. Mais je me suis pas pendu et puis je suis pas mal pris. Alors, c'est clair qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus souffert que moi aussi, puis je veux pas rabaisser ça. Mais somme toute, on va l'avoir, gang. On va l'avoir. Bon, hey, sur ce, merci d'avoir été là et à bientôt.